Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches, de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, suite de l'émission d'hier avec notre hommage à Claudio Abbado, dont on commémore en ce moment les 10 ans de la disparition, il y a beaucoup de films, de concerts qui sont proposés à la télévision, notamment sur Arte, magnifique Requiem de Mozart, de Verdi, et puis un documentaire sur Mahler. On sait que c'est le compositeur qui était vraiment celui qui lui parlait le plus à Abbado à la fin de sa vie, et donc son lien très étroit avec Mahler, et en particulier avec la symphonie Résurrection, tout un documentaire sur ce sujet, et l'orchestre de Lucerne. Ce n'est pas Abbado qui a fondé le festival de Lucerne, c'était Toscanini, mais ce festival avait disparu et c'est lui qui l'a fait renaître de ses cendres, avec un orchestre constitué des meilleurs solistes d'Europe, donc un orchestre sur mesure, un orchestre de solistes, où chaque pupitre avait été décidé par Abbado lui-même, pour savoir qui devait l'occuper, et il a réuni des musiciens d'orchestre, mais aussi des solistes, comme les frères Capuçon, des ensembles quatuor à cordes, le quatuor à gaines. Vraiment un orchestre incroyable, qui, pour être un orchestre de solistes, avait sous la baguette d'Abbado vraiment une seule voix, et ça c'est extraordinaire. On va retrouver Abbado dans les années 70, fin des années 70, alors qu'il est à la tête de l'Orchestre Symphonique de Londres, peut-être l'époque qui a vu son envol vraiment avec cet orchestre londonien. On l'oublie un peu d'ailleurs, puisqu'ensuite il a dirigé l'Orchestre Philharmonique de Berlin, la suite de Karajan, ce qui a vraiment été compliqué parce que c'était pas facile de succéder à Karajan, qui dirigeait cet orchestre depuis des décennies. Et on sait l'aura, le charisme qu'avait Karajan, ce qui représentait pour le monde musical. Donc succéder à un tel maestro était difficile. Mais Abbado a relevé l'exploit et vraiment, il a fait un travail incroyable avec Berlin. Alors voici, en attendant, Abbado avec l'Orchestre Symphonique de Londres, dans l'ouverture des Créatures de Prométhée de Beethoven. Thank you. L'ouverture des créatures de Prométhée de Beethoven, l'unique ballet d'ailleurs de Beethoven, interprété par l'Orchestre Symphonique de Londres et Claudio Abbado. On reviendra sur Claudio Abbado en cours d'émission. Alors à l'époque où Abbado enregistre une pléthore de disques à Londres, un autre orchestre londonien fait lui aussi beaucoup de disques, laisse un héritage discographique incomparable, c'est l'Academy of St. Martin's Fields. D'ailleurs, presque toutes les semaines, cet ensemble enregistrait un disque à une époque où le marché du disque était particulièrement florissant, où les gens commençaient à découvrir tout le répertoire et à acheter beaucoup beaucoup de disques. Donc à l'époque, fin des années 70, début des années 80. Et parmi ces disques, il y avait bien sûr les 4 saisons de Vivaldi, qui furent un succès incroyable parce que Mariner avait revu un petit peu l'œuvre, il avait apporté des ajouts, un éclairage nouveau sur cette partition très célèbre. Alors je vous en ai proposé le premier mouvement de l'hiver hier dans l'émission d'hier. Voici les 2 mouvements suivants, joués par l'Academy of St. Martin in the Fields et Neville Mariner, l'hiver des 4 saisons de Vivaldi. Les deux derniers mouvements du concerto L'hiver des quatre saisons de Vivaldi avec Academy St. Martin in the Fields et Neville Mariner. Vous aurez remarqué la partie d'orgue à la fin que l'on entend rarement, un rajout du chef d'orchestre. On reste sur ce thème de l'hiver avec le voyage d'hiver de Franz Schubert. Évidemment, c'est une métaphore. Ce voyage d'hiver, c'est le voyage vers la mort. Mais quand même, on peut dire que Schubert, qui aimait tant peindre la nature, s'est laissé inspirer par l'hiver avec ses tempêtes de neige, ses rivières gelées, ses arbres dépouillés, bref, le froid, l'inhospitalité. Que l'on ressent de la part de la météo, de la nature à cette période de l'année. Ce voyage d'hiver, il a été construit sur des poèmes de Wilhelm Müller. Enfin, c'est un recueil de Lieder. Lieder, donc des poèmes mis en musique. Et on va l'écouter dans l'interprétation qui, moi, me paraît la meilleure, celle vers laquelle je reviens toujours quand j'ai envie d'écouter ce voyage d'hiver, celle de Dietrich Fischer-Dieskau avec le pianiste autrichien Jörg Demus. Fischer-Dieskau, qui était aussi formidable dans le lead, qui était sa spécialité quand même, qu'à l'opéra, dans les grands rôles verdiens, wagnériens, que dans le répertoire sacré. Voici le premier de ces leads de Schubert, Le Voyage d'hiver, d'après un poème de Wilhelm Müller, Gute Nacht, bonne nuit. Herrenhaus, die Liebe C'était Gutenacht, tiré du Voyage d'hiver de Franz Schubert, avec la belle voix de baryton de Dietrich Fischer-Dieskau et puis au piano Jörg Demus, un disque enregistré en 1965 qui reste un incontournable, un disque que l'on doit posséder dans sa discothèque. Allez, un disque qui vient de paraître maintenant, une nouveauté, solo musica, récital de la violoncelliste Isabelle Gemveller et la pianiste Fiona Engartner, j'en ai déjà parlé dans l'émission d'hier. C'est un disque qui s'appelle Notre Amour. Et donc, ces deux jeunes femmes réunies des pièces qui, apparemment, leur parlent beaucoup, comme celle de Cécile Chaminade, pièce romantique. Cécile Chaminade, que l'on redécouvre, qui a été très, très admirée de Bizet, peut-être même d'ailleurs aimée de Bizet, on ne sait pas. Elle était connue autrefois surtout pour un concertino pour flûte, un petit concerto en un mouvement. Et puis, on redécouvre petit à petit son œuvre. Il est vrai que les femmes musiciennes, compositrices n'ont pas été à l'honneur pendant des décennies et même des siècles. Et petit à petit, retrouvent ce répertoire oublié où il y a des choses absolument magnifiques. Alors voici une pièce romantique de Cécile Chaminade avec Isabelle Gemveller au violoncelle et Fiona Engartner au piano, disque solo musica. Pièce romantique de Cécile Chaminade avec Isabelle Gemveller au violoncelle, Fiona Engartner au piano, extrait du disque Notre Amour, publié par Solo Musica. Allez, un peu de légèreté maintenant avec Carlos Gardel, le roi du tango pour una cabeza, joué au violon par Nicola Benedetti. Thank you. Pour una cabeza de Carlos Gardel, joué au violon par Nicolas Benedetti, et puis le Bournemouth Symphony Orchestra dirigé par Kirill Karabits. On retrouve Claudio Abbado avec un répertoire qui lui était cher, celui de l'école de Vienne. Qu'est-ce qu'on appelle l'école de Vienne? D'ailleurs, il y en a deux. La première, c'est Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, et puis la deuxième, c'est Berg, Schoenberg et Webern. Et il a donc étudié à Vienne, auprès de Hans Swarovski, Claudio Abbado, et il s'est imprégné de l'esprit de cette ville. Il était probablement d'ailleurs le plus viennois des chefs italiens, tant la ville de Vienne l'a influencé à la fois dans le choix de ses répertoires, mais aussi dans sa conception esthétique. Alors l'école de Vienne, donc, il a enregistré de nombreux disques autour de ses compositeurs, notamment de Berg, qu'il aimait particulièrement, et je vous propose de le retrouver dans l'un des sept leaders de Berg, des leaders de jeunesse, le quatrième dans une auréole de rêve sur un poème de Rainer Maria Rilke, et c'est chanté par Anne-Sophie von Otter, la mezzo-suédoise, avec laquelle Abbado a énormément travaillé, Il a enregistré beaucoup de disques et notamment un joli disque consacré à des leaders de Schubert orchestré par d'autres compositeurs, un disque qui avait eu un certain retentissement. Allez, voici Anne-Sophie Von Otter, Claudio Abbado, l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dans le quatrième des sept leaders de jeunesse d'Alban Berg. Beaucoup d'émotions, je trouve, dans cette interprétation du quatrième des sept leaders de jeunesse d'Alban Berg dans une aurore de rêve avec un poème de Rainer Maria Rilke et puis la musique d'Alban Berg, magnifiquement servie par Anne-Sophie Von Otter, contralto, mezzo-soprano et puis l'Orchestre Philharmonique de Vienne et Claudio Abbado. On part vers la musique du XVIIIe siècle à la rencontre de Joseph Martin Krauss. Il est né en 1756 comme Mozart et il est mort un an après Mozart en 1792. D'ailleurs, on l'avait parfois baptisé le Mozart suédois. Bon, je trouve pas ça toujours bien quand on parle de Mozart suédois à propos de Krauss ou de Mozart noir à propos du Chevalier de Saint-Georges et d'autres. Mozart et Mozart, il y en a qu'un. Et ce compositeur, pour ne pas être Mozart, est quand même d'un grand intérêt. Il a travaillé beaucoup en Suède, à la cour du roi Gustave III, qui, on le sait, devait être assassiné, ce qui donna un argument pour l'opéra de Verdi, Un bal masqué, puisque c'est au cours d'un bal masqué que ce souverain a été assassiné. Et c'était un souverain éclairé, comme on disait, qui protecteur de la musique, qui avait aboli la torture, les lettres de cachet dans son pays, quelqu'un de très ouvert aux arts. C'est pour ça que Krauss s'y sentit bien. En Suède, lui qui était allemand et qui avait, disons, qui s'était formé à Mannheim avec l'école de Mannheim, une école avec les frères Stamitz et puis donc d'autres compositeurs qui avaient un petit peu modernisé la symphonie. Et là, bah, il va vivre pratiquement toute sa vie dans ce pays, Krauss, et puis laisser des opéras, des ballets et notamment aussi des symphonies, une quinzaine à peu près. Alors, on va écouter le final de la symphonie, symphonie en ut mineur, tiens, comme la cinquième de Beethoven, de ce compositeur. Il écrit toujours des symphonies en trois mouvements, Krauss. Donc, c'est le final, tout le troisième mouvement, noté Allegro assez avec l'orchestre de chambre suédois dirigé par Peter Sundqvist. Évidemment, une musique qui n'a pas le génie de Mozart, mais bon, c'est quand même une œuvre de belle facture. Et puis, souvenons-nous que Haydn avait encouragé Krauss, il avait trouvé que sa musique vraiment était admirable et que c'était pas à la portée de tout le monde d'écrire une symphonie de si belle facture. Alors, c'était interprété, cet allegro assai de la symphonie en ut mineur de Krauss, par l'orchestre de chambre suédois dirigé par Peter Sundqvist. Symphonie beaucoup plus célèbre à présent avec la troisième symphonie de Johannes Brahms. Évidemment, on va retrouver Claudio Abbado. Là, c'est le grand répertoire, et Claudio Abbado fait partie de cette génération de chefs d'orchestre qui a vécu à l'âge d'or du disque. On a demandé beaucoup, où les maisons de disques étaient vraiment demandeuses de beaucoup d'enregistrements, d'intégrales magnifiques, et évidemment, les mélomanes en ont beaucoup profité également. Époque très très riche. On y revient d'ailleurs souvent sur ces enregistrements des années 60, 70, 80 et même 90. Puis ensuite, il y a eu quand même petit à petit une disparition progressive du nombre de disques chaque année qui paraissaient. Et pour des histoires de coûts, parce qu'il faut louer des salles, il faut réserver les orchestres, etc., eh bien les maisons de disques ont beaucoup moins investi dans le répertoire symphonique. Symphonie de Brahms, la troisième, le Poco Allegretto, que je vous propose avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par donc Claudio Abbado. Thank you. Le Poco Allegretto de la troisième symphonie de Brahms, symphonie injustement parfois appelée héroïque par rapport à celle de Beethoven, en rapport avec celle de Beethoven, mais ça n'a rien à voir évidemment, et c'était interprété avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin et Claudio Abbado. Un soliste que Abbado a particulièrement apprécié, avec qui il a donné des concerts et même enregistré un ou deux disques, c'est Ivo Pogorelitch, que l'on écoute dans l'étude opus 25 numéro 6 de Frédéric Chopin. L'étude opus 25 numéro 6 de Frédéric Chopin par Ivo Pogorelitch. Alors Claudio Abbado nous aura accompagné tout ce week-end et je m'en serais voulu de ne pas mentionner l'apport qu'il a donné, l'éclairage qu'il a donné à la musique de Moussorgski. Et oui, parce que Modeste Moussorgski est un compositeur qui n'a pas finalement beaucoup composé et qui donc est mort très jeune dans des conditions difficiles, alcoolique au dernier degré. Et sa musique a souvent été considérée comme pas très très bien faite. La preuve, c'est que Rimsky-Korsakov, qui était son condisciple du groupe des cinq, eh bien, a revu la partition de La Nuit sur le Mont Chauve, et c'est la version qui a été très très longtemps jouée. Mais grâce à Claudio Abbado et d'autres chefs, bien sûr, eh bien, on a joué davantage ensuite la version originale de La Nuit sur le Mont Chauve de Moussorgski, qui est assez différente, il faut le dire, de la version révisée par Rimsky-Korsakov, et même très très différente. Les deux sont intéressantes, mais il était dommage quand même de ne pas jouer la version originale signée de Moussorgski lui-même. Et évidemment, il a aussi, Claudio Abbado, enregistré les tableaux d'une exposition. Je crois qu'il les a enregistrés plusieurs fois d'ailleurs. Tableau d'une exposition de Moussorgski, orchestré, on le sait, par Maurice Ravel, même si Ravel n'était pas tout à fait satisfait de son orchestration, en particulier de la conclusion avec la Grande Porte de Kiev, voilà, qui nous renvoie à l'actualité, évidemment, cette actualité tragique de l'Ukraine. Et bon, voilà, donc on va écouter cette Grande Porte de Kiev dans l'orchestration de Maurice Ravel. Il n'est pas le seul à avoir tenté l'expérience d'orchestrer ces tableaux de Moussorgski, mais c'est quand même la version la plus sophistiquée, la plus élaborée, la mieux instrumentée, donc celle qui se fait, celle que l'on joue en général fréquemment. Voici cette Grande Porte de Kiev avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Claudio Abbado. la grande porte de Kiev qui conclut les tableaux d'une exposition de Modeste Moussorski dans l'orchestration de Maurice Ravel avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Claudio Abbado, qui nous aura donc accompagné ce week-end. Et puis je vous renvoie donc à tous les documentaires et autres concerts proposés par la télévision. Allez, bonne semaine à toutes et à tous, et à très très bientôt j'espère. On se retrouve samedi et dimanche prochains.